Elle dansait les pieds nus dans les ruelles d'une ville sans soleil. Elle honorait les malentendus et s'abreuvait d'un liquide rouge vermeil. Elle incarnait la nuit des angoisses. Elle épousait l'ombre de nos ombres dans l'espace. Toujours aussi nu.